de soccer avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer 5-5. Salut Benoît. Salut Dan Radio Sport, salut Danny. Ça, est-ce qu'il va? Ça va très bien. Hey, Donc, ça va très bien. Ça va moins de COVID. Donc. Ah, j'étais tellement écœuré de ça. Je suis tellement écœuré de ça, mais gars. C'est au monde à se réveiller. C'est ça que je dis. En tout cas, les gens qui me suivent sur mes médias sociaux, mettons, savent de quoi je pense. Benoît, on va parler d'abord de l'Impact, l'Impact qui joue ce soir. Donc, toujours une place. On lutte toujours pour les séries, du côté de l'Impact. Oui, ah oui, ça va être difficile. Avec 4 matchs à jouer, Danny, il reste encore 4 matchs. Et puis, je vais te dire, l'Impact est en 9e position. Il n'y aura rien de facile, ce soir, quand c'est contre le FC New York, avec des blessures, avec des. Il y a quand même eu beaucoup de matchs en peu de jours. Ils s'en sont bien sortis, quand même, malgré tout. On pourrait dire qu'ils ont joué pour une fiche de 500. C'est quand même très bon. Et quand tu regardes le classement, ben tu regardes l'Impact est en 9e, ils ont 23 points, mais ils sont à 2 points de Red Bulls et Nashville en 7e et 8e, à 25 points. On va dire que le FC New York sont à 27 points. Une victoire de l'Impact, ça les ramène proche de la 6e place, Danny, mais une défaite, ça les amène proche de la 13e place aussi. T'sais. Ils sont à Donc, c'est un 23 match points. extrêmement important. Mais c'est ça, c'est tous des matchs importants. Moi, je pense, Danny, que sur 4 matchs qui restent à la saison, si on est capable d'en remporter 2, je pense que l'Impact devrait se faire une place là, dans les 10 premières positions. Là. Ce serait raisonnable avec cette saison bizarre-là qu'on a vécue. Effectivement. Benoît, on va parler maintenant de Sophie Tider et qui pourrait partir. Rudy Camacho également, ça commence à se Mais parler. Tider, Danny, Oui, il il est est déjà parti. parti, lui. Oui, c'est vrai. Tider, il est parti. Il est parti en Arabie Saoudite. J'ai cru lire entre les lignes qu'il voulait partir de l'Impact. Il n'était pas, c'était pas confirmé qu'il voulait rester. Comment il s'appelle? Olivier Renard a dit que c'était pas le cas, mais en tout cas, on ne sait pas tout non plus. Maintenant, je pense que c'est un bon coup pour l'Impact. Peut-être dur en fin de saison quand même, là. On aurait eu besoin de lui en fin de saison, sauf que c'est un montant d'argent. Je crois qu'on est en train de préparer là, la saison 2021. Donc, si on a réussi, l'Impact réussit à faire les séries et puis s'en tirer dans ce sens-là, faire un parcours intéressant à Coupe MLS. Par la suite, ben, on va aller chercher des joueurs. Je crois qu'on va avoir des annonces intéressantes pour l'an prochain. Maintenant, Tider, ben, il a quand même été un bon élément pour l'Impact dans les dernières saisons. Maintenant, ben, on est rendu là avec ce joueur-là. On t'a vu passer cette semaine, hier, on a parlé de Wanyama et Camacho. Peut-être qu'il serait sur le départ aussi. J'ai hâte de voir un peu ces joueurs-là. Effectivement, c'est ça. Il y a aussi Boyan, Ouais. qu'on est en attente s'il va signer le contrat. De Boyan, Danny, dans les derniers matchs, c'est le bon joueur de l'Impact. Il fait contre Miami, c'est lui qui a marqué le but. C'est lui qui a fait la passe décisive sur le but. On est en attente d'en savoir s'il va signer le contrat. Mais ce joueur-là, s'il est en confiance avec l'Impact, il semble bien jouer aussi avec Urruti. Il semble avoir un bon duo ensemble. Urruti ne marque pas de but, mais il fait des déplacements qui font en sorte que ça libère un gars comme Boyan, qui est un bon manieur de ballon, là, comme on dirait, comme on pourrait dire, là. OK. Mais, on va parler de l'Impact, mais pas de l'Impact, mais du FC Barcelone. Il y a un match important. Zidane pourrait quitter à venir une défaite. Est-ce que c'est une rumeur? Ben, c'est vrai. Bah, écoute, ces clubs-là, Danny, il y a tellement de rumeurs. Une défaite, il se dit Ça ressemble plein au de choses. Moi, Canadien, hein? mener. On se ressemble aux Canadiens x10, je te dirais Ah, x10 en fois 10, OK. Espagne avec les médias espagnols. Parce que ça sort du continent. T'sais, le Canadien, ça va rester très québécois, ça va sortir un peu Au en Amérique Canada du anglais. Nord, Au Canada anglais. mais au Canada anglais. Mais quand tu parles de Barcelone, de Madrid, ces clubs-là, ça va partout en Amérique du Sud, ça va en Afrique. Les fans sont très, très, très assidus du club. Ça va partout, un peu partout sur la planète. Comme le match est ce matin, Dani, on est samedi matin, le match est à 10h, c'est le Classico entre FC Barcelone et le Real Madrid. C'est deux clubs qui ont de la difficulté, disons-le, en Liga espagnole en début de saison. On connaît la saga Messi qui voulait partir, il a décidé de rester. Donc, il a annoncé, il s'est excusé auprès de ses fans que. Il va donner tout ce qu'il a là, pour la saison là, à venir. Est-ce qu'il fera la saison au complet? Moi, je pense que oui. Maintenant, pour ce qui est du Real Madrid, écoute, on a perdu la semaine dernière en Ligue des Champs en championnat 1-0. comme le Barcelone d'ailleurs. Mais il faut rappeler, Danny, que tous ces deux équipes-là ont plein de joueurs internationaux et il y a eu des matchs internationaux. Les gars, le calendrier commence à être déjà très, très chargé pour ces gars-là. Donc, je pense que ça va être difficile, là. C'est pour ça d'entamer des matchs successivement comme ça. Donc, l'impact Real Madrid avec une défaite en Liga espagnole, une défaite en Ligue des Champions là, cette semaine. C'était une surprise aussi contre un club turc. Et là, cette semaine et aujourd'hui, c'est le Classico. Donc, il ne faudrait pas que Real Madrid échappe le match. Zidane deviendrait là, sur la corde raide. Même si Zidane. Bah, écoute, c'est les rumeurs des médias Ouais. espagnols, qui, comme je te dis, c'est comme le Canadien ici au Québec, là. Mais moi, selon moi, ça va en prendre plus que ça, là. Mais je veux dire, Zidane a toujours réussi à se relever de ça, là, quand même, malgré tout, depuis qu'il est entraîneur, là. On va se rappeler qu'il a parti du Real Madrid au même moment que Ronaldo est parti. Le Real n'en est plus très bien. Là, Zidane a décidé de revenir avec le Real. Ça fait maintenant, il a gagné le championnat l'année passée en Espagne. En Ligue des Champions, ils ont perdu contre le Manchester City en quart de finale, je crois. Mais c'est des clubs qui visent toujours le titre. Hein. On veut toujours le trophée. Une deuxième place pour eux veut rien dire. Ça fait que c'est pas toujours évident, là. Puis c'est ça pour quelques clubs. Donc, on s'en sort jamais. Il va toujours avoir un deuxième, puis il y aura un gagnant. Maintenant, ça va prendre quelques défaites, mais Zidane peut décider de quitter aussi par lui-même, là, parce que là, il a décidé de jouer quand même avec ses anciens joueurs. Benzema, les joueurs en défensive, il y a encore plein d'anciens éléments. Modric qui était là, c'est tous des gars qui sont en fin de carrière un peu, en fin de parcours un peu, et en défensive aussi avec son défenseur central qui est là depuis des années, le capitaine. Alors, à voir là, pour la suite pour Zidane et Real Madrid. Mais le match d'aujourd'hui va te donner un bon son de cloche. OK. Autre chose à ajouter, peut-être, j'ai vu un article que le football français vit beaucoup de difficultés avec la COVID et ça pourrait même entraîner des fermetures de clubs. Est-ce que tu as entendu parler de ça? J'ai vu quelque chose là-dessus un peu, mais j'ai pas été plus profondément à savoir là, le sérieux de la chose et où est-ce qu'on en était rendu. Mais c'est sûr, Danny, hein, c'est pas juste au soccer, au football international, c'est dans plein de sports, Ah. là. Et la Ligue américaine au hockey, on sait pas ce qui va se passer avec ça. Tu sais, je veux dire, même le hockey national, il n'y a rien d'évident non plus. Donc, oui, dans le football international, c'est sûr qu'il y a des clubs qui vont écoper au bout du compte. Puis c'est très dommage de voir ça. Mais quand il n'y a pas d'entrée dans les stades, il n'y a pas de spectateurs, où on est au tiers. Je sais qu'en France, il y a des endroits où Mais que les on contrats de accepte. TV sont pas assez grands? Mais probablement pour certains clubs. Pour les gros clubs, c'est toujours la même affaire, là. Ils ont toujours quand même beaucoup de cash. Mais pour ce qui est des clubs qu'on voit moins, qu'on entend moins parler, que le marketing est moins gros, puis qui semblent plus y aller avec leur académie ou bien leur formation intérieure du club, c'est différent que d'aller chercher des gros joueurs aussi, puis que on n'a pas de fans dans les estrades. Donc les entrées d'argent sont moins là. C'est certain qu'au bout du compte, il y a des clubs qui vont payer pour ça, c'est sûr. OK. Benoît Laval, espacesoccer.com, la référence soccer Saint-Saint-Jean, gros merci. Thank you, Danny. À plus. Mais Benoît Laval, espacesoccer.com.